La manière dont je vivais à bosser me convenait si bien qu'il ne lui en manquait que de durer plus longtemps pour fixer absolument mon caractère. Les sentiments tendres, affectueux, paisibles en faisaient le fond. Je crois que jamais individu de notre espèce n'eut naturellement moins de vanité que moi. Je m'élevais, par élan, à des mouvements sublimes, mais je retombais aussitôt dans ma langueur. Être aimé de tout ce qui m'approchait était le plus vif de mes désirs. J'étais doux, mon cousin l'était. Ceux qui nous gouvernaient l'étaient eux-mêmes. Pendant 2 ans entiers, je ne fus ni témoin ni victime d'un sentiment violent. Tout nourrissait dans mon cœur les dispositions qu'il reçut de la nature. Je ne connaissais rien d'aussi charmant que de voir tout le monde content de moi et de toute chose. Je me souviendrai toujours qu'au temple, répondant au catéchisme, rien ne me troublait plus quand il m'arrivait d'hésiter que de voir sur le visage de Mademoiselle Lambertier des marques d'inquiétude et de peine. Cela seul m'affligeait plus que la honte de manquer en public, qui m'affectait pourtant extrêmement, car, quoique peu sensible aux louanges, je le fus toujours beaucoup à la honte, et je peux dire ici que l'attente des réprimandes de Mademoiselle Lambertier me donnait moins d'alarme que la crainte de la chagriner. Cependant, elle ne manquait pas aux besoins de sévérité, non plus que son frère. Mais, comme cette sévérité, presque toujours juste, n'était jamais emportée, je m'en affligeais et ne m'en mutinais point. J'étais plus flashé de déplaire que d'être puni, et le signe du mécontentement m'était plus cruel que la peine afflictive. Il est embarrassant de s'expliquer mieux, mais cependant il le faut. Qu'on changerait de méthode avec la jeunesse si l'on voyait mieux les effets éloignés de ceux qu'on emploie toujours indistinctement et souvent indiscrètement. La grande leçon qu'on peut tirer d'un exemple aussi commun que funeste me fait résoudre à le donner.